boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Hola, soy Jaime de Raskolnikov y están escuchando Pop and Rock en el 104.6 de la RBR, los hijos pequeños del rock. Enfin, ouais, enfin, la bande franco-suisse Madze nous offre enfin un nouveau du son. Vous venez d'écouter le dernier Raskolnikov, Madze, Raimé et Jérôme pour un trio franco-hispano-suisse que nous, dans Pop and Rock sur la trail locale RVR, on aime depuis longtemps grâce notamment à ce titre. Ouais, faut pas faire chier Albert Roche, c'est pas moi qui le dis, c'est Mazo de Raskolnikov. Et Raskolnikov, je vous le rappelle, on vient de découvrir en ouverture de notre Pop & Rock le nouveau morceau qui s'appelle Master Freak. Voilà, 2 ans qu'on attendait un nouveau titre, ça c'est fait. Et maintenant, on attend le nouvel album qui, j'espère, sortira avant la fin 2024. Alors en attendant, on fonce vers d'autres potes de Pop & Rock. Clinique Rodeo est sur Pop & Rock. In a dangerous world, I was lost with a dangerous girl. Let us die in a right place. We were lost in a strange place. We were lost in this fucking hell. We were lost when we met. The devil in the mine. She was mad. micro-déo Raskolnikov, ça sent le rock alternatif ce soir dans Pop and Rock, et ce n'est pas Varsovie qui dira le contraire. Extrait de sous-extra. Tu croyais t'as sortir à qui ça couperait. Tenir Vera Engels, Nadia Serberskaya. Dans l'espace consigné des périphériques, des amours de jeunesse. À la prise d'otage, tu t'inventes un constat sans alternative. L'obsession des comètes traîne à ton avantage. Tu relis les flashbacks aux images d'archives, des centaines de kilomètres s'effusent en cavalcade. T'invente un constat sans alternative. L'obsession des comètes traîne à ton avantage. Tu relis les flashbacks aux images d'archives. Des centaines de kilomètres s'épuisent en cavalcade. C'est l'envie qui t'exhorte à l'adrénaline. Votre pop and rock a commencé dans la noirceur de Raskolnikov, de Clinic Rodeo et donc à l'instant des Grenoblois de Varsovie. Mais pop and rock s'est aussi vous emmener dans l'éther moins sombre de Animal Triste, les Parigots un peu bobos. profitez tous les lundis entre 17h et 18h d'un pop and rock, une heure de musique rock sans pub. Après cette balade en pays frenchy, en tout cas rock français à défaut d'être francophone, allons poser nos oreilles en terre britannique avec le trio de Alt J qui n'était pas venu nous rendre visite depuis bien longtemps. Two tabs on your tongue. I heard the shepherds, I heard the sheep sleep. Now my only one. Broken sweethearts, oh, who sleep apart.

sky is awning. Neon, neon, neon, blue neon lamp in a midnight country field. Gauss around, so you lean on, so much your eyes become hollow. Solve Me et à l'instant 3WW, Alt J, comment dire ? Ils font partie de ces groupes qui jamais ne feront l'unanimité et qui pourtant auront toujours un public acquis, surtout après avoir vu une de leurs prestations live, parfois très étonnante. Mais bon, ne cherchons pas à convaincre les cons. Swells his true love until the end of time. Another runs away. savings for that fortunate guest. Guilty minds can't hide, I can't see. Under the clock at Church Street. The taste of you, dear. Phil, Tommy and Co. The taste of you, the taste of you, dear. Phil, Tommy and Co. The taste of you, the taste of you, dear. Phil, Tommy and Co. The taste of you. The taste of you, dear. Phil, Tommy and Co. Ouais, Pop and Rock vient de vous offrir Audioslave et à l'instant c'était Bill Pritchard et son sublime Tommy and Co. Et du coup, comme ça fait du bien, on reste au 20e siècle. We'll be right back. et U2, ouais, Cure et U2 comme repère dans un monde rock en voie de disparition. Heureusement, il reste le nouveau Warpaint. Il faut bien que ça arrive un moment, notre heure pop and rock s'arrête, on va donc se quitter avec notre chouchou du moment, le Will Toledo et son Car Seat Address avec le morceau Crows. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et comme toujours, bon vent à tous. Smoke fills my lungs. I have lungs. And memories start to fill this empty head. Have I been here before? I'm not, I'm alive. Hey boy, stop being so mean, calling thank you. shoot strings dangling under fluorescent lighting. Sweatshirt strings strangling inside the parking complex. Parking lot, we fold our bones in.